Après Shane Gauthier l'an dernier, Dolbo Mistassini a un deuxième joueur repêché par une formation de la Ligue canadienne de football. Alexandre Gagnon a été repêché par les Stampeders de Calgary récemment. Et tout le personnel et la direction de Dolbo Auto est très heureux et félicite Alexandre. Un bel exemple de ténacité et détermination pour notre jeunesse. Notre département des ventes vous invite à venir voir nos différents modèles, Sierra et Silverado, à partir de 10 500 $. Dolbo Auto, 1770 boulevard Wahlberg à Dolbo-Mistassini, 418-276-0580. La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831. C'était la Coupe du Québec de vélo de montagne en fin de semaine et je fais une couple de semaines que je voulais prendre de ses nouvelles pour savoir un peu comment il va. On sait que Victor Véraud a su ce printemps qu'il était atteint d'un cancer des ganglions, un peu le même cancer que Sakou Koivu et Mario Lemieux. Question de savoir un peu comment ça va, comment il a trouvé ça en fin de semaine. Pas être sur la piste, ça a dû lui faire mal au cœur un peu, on lui parle. Salut Victor! Bonjour! Victor, la première question que j'ai envie de te poser, comment ça va? Ça va mieux vu les circonstances que j'ai eues le dernier temps. La forme reprend quand même bien, puis je suis moins fatigué, mes journées sont plus faciles à passer au travail. Ça va beaucoup mieux qu'auparavant. OK. Parce que ça a été difficile, les traitements, j'imagine? Oh oui, ben c'est sûr qu'il y a des bouts de rough, là, c'est pas tout à fait facile, là. Mais mes journées étaient un peu dures à passer au travers, j'étais plus fatigué un peu, j'avais des effets secondaires. OK. Là, j'ai plus aucun effet secondaire, puis je commence à avoir plus d'énergie, là. Puis là, je t'appelle parce que je t'appelais, puis tu dis, il faut que je fasse l'entrevue-là, ben c'est parce que je pars en vélo. Donc, t'as recommencé à faire du vélo. Oui, j'ai recommencé le vélo. Là, ça doit faire environ 2 semaines là, que j'ai recommencé le vélo tranquillement, parce que je peux pas je peux pas faire monter mon pied trop haut pour rien non plus. Là. Il faut que je reste tranquille quand même, mais je peux faire du vélo. Là, pour le plaisir ou pour en mode compétition ou les deux? Ben, c'est... Un peu des deux, là, parce que, mettons, hier, il y avait le contre-la-montre, au Tabouski. Oui. Puis j'ai participé au contre-la-montre, là, je me suis inscrit à la course. Puis je l'ai fait à ma vitesse, là. Je l'ai pas fait vraiment en mode course, là, mais je l'ai fait à ma vitesse, là. C'était bien plaisant de refaire une course cette année, là. Comment tu trouves ça, parce que pas vivre, là tu m'as parlé au niveau physique, mais au niveau moral, comment tu as vécu ça en fin de semaine, de pas être sur la piste? On sait que Saint-Félicien, c'était ta compétition, c'était une compétition que tu tenais vraiment. Là, tu n'étais pas là. Je sais que ça a bien été. William a gagné. William a gagné. Oui, effectivement, c'est ton frère. J'imagine que tu as vécu quand même ça assez difficilement. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça me donne le goût d'aller faire la course aussi. Là. Mais en même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas participé à une compétition ni grand spectateur. Ouais. Cette année, en fait, je n'étais pas allé à aucune compétition. Là, au moins, d'avoir mes amis, tu sais, le monde que je courais avec les autres années, là. Mais là, de rien que ça, c'était quand même le fun pour moi. C'est sûr que de pas être dans la compétition, ça, c'est un petit peu moins le fun, là. Mais ça va revenir. Faut prendre le temps, là. Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Ben, que, tu sais, c'est sûr que ça allait revenir. Il dit qu'il devrait avoir aucune séquelle, que tout devrait revenir, mais qu'il faut écouter mon corps, puis que ça allait sûrement prendre un peu de temps avec tout à remonter. Fait que ça doit être bon pour le moral aussi, là. Pas une nouvelle comme ça, là. Ouais, c'est ça, savoir que tout va revenir. Tu dis l'été prochain, ouais. Regarde, je suis pas là cette année, mais t'aurais pu avoir une blessure, ça aurait pu être dans d'autres circonstances aussi, puis t'aurais pas pu la faire non plus, là. Tu sais, il faut quand même voir ça de même. Ouais, c'est sûr. T'as-tu l'occasion, penses-tu faire au moins une compétition d'ici la fin de l'année ou c'est complètement, on oublie ça complètement? Ça se pourrait que je fasse, mettons, les régionales, là. Okay. Les régionales dans mon coin, pour le plaisir, quand même, là, parce que j'ai fait du vélo, fait que là, je ferais ça pour le plaisir, mais ouais, ça se pourrait que j'en fasse, là. OK, donc ça pourrait arriver que rien n'est sûr encore, là, mais... OK. OK. Donc, tu y vas à ton rip, tu prends ça comme ça vient, puis ainsi de... Mais hey, parle-moi de la compétition d'en fin de semaine. Ça a été vraiment le fun de voir William. À ma connaissance, c'est sa première victoire. Non, cette année, il a gagné une okay. fois à Sherbrooke. Ah, OK. Il a gagné une couple de fois, là, je pense. Il y a eu 2-3 victoires quand même, ou 2-3 podiums au total. Là. Ah, c'est bon, ça? Même, oui, ça va bien cette année, là. OK, OK. Est-ce, ouais. Le fait que Saint-Félicien, la piste, parce qu'on voyait en fin de semaine que ça a bien été pour à peu près tout le monde, ça doit, le fait qu'on connaît la piste, ça a un avantage considérable, hein? Oh, c'est sûr, ça fait un bon avantage, là. Mais tu sais, il faut quand même performer quand même. Mais oui, même tout le club vélo de Max, il y en a une couple là, qui ont bien performé. OK, OK. Ben Victor, je suis bien content de savoir que ça va mieux. Je trouvais ça vraiment triste ce qui t'arrivait, mais je pense que tu es bien entouré par une bonne famille qui t'aime, puis par beaucoup de monde aussi là, qui te supporte, puis continue, oui, oui. Puis à partir de l'an prochain, on va commencer à parler de toi. C'est bon. Merci, Victor Véro, notre coureur de vélo de montagne qui est atteint de la maladie d'Hodgkin.